Je vous propose de revenir ensemble sur les différents éléments qui ont été abordés aux deux tables rondes. Bruno Galland et moi, qui ne sommes pas non plus... nous sommes très à l'aise, mais nous ne sommes pas forcément maîtres dans cet exercice. Nous proposons surtout de vous passer la parole et de relancer éventuellement le débat. On aimerait une parole qui circule, hein, qui est sur le ton aussi de l'échange, du débat, un échange constructif qui nous permette, dans la lignée de ces deux tables rondes qui viennent de se dérouler, de commencer à construire ensemble quelque chose, une démarche. Je vois que des mains se lèvent. Je vous propose déjà de lever les mains. Nous avons des porte-micros en bas, deux, et nous avons deux porte-micros dans les tribunes. Bruno et moi, on va essayer d'être très vigilants. Dans les tribunes, j'ai vu une première main se lever ici, une dame avec un autocollant. Très facile à repérer, donc je l'ai vu tout de suite. Nous allons lui donner la parole. Merci. Alors, chacun va faire l'effort de se présenter. De se présenter et de faire une intervention courte pour que le débat puisse avoir lieu et le privilège des deux modérateurs paritaires, vous avez vu que là, on a rattrapé les déséquilibres des tables rondes, notre responsabilité sera de vous interrompre si la question dure trop longtemps pour nourrir un vrai débat. Je vous donne la parole, madame. C'était prévu. Isabelle Fouché, archiviste au département du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime des Archives Nationales et représentante du personnel CGT au comité technique archives. Alors, si l'on peut partager le constat sur l'inflation du volume des archives et sur la nécessité de travailler en continu sur les critères de sélection, force est de constater que les mesures prises pour y faire face ne sont pas les bonnes, et ce, depuis des années. En effet, nous avons assisté progressivement à un désengagement de l'État qui, au lieu d'investir plus en budget et en effectif, laisse les autres, collectivités territoriales, producteurs, opérateurs et sociétés privées d'archivage ou de généalogie, faire le travail à sa place, dans une balkanisation des structures qui dépasse, et de loin, le constat qui a pu être fait en son temps par Guy Brébant en 1996. C'est pourquoi c'est avec une grande inquiétude que nous, archivistes, voyons apparaître cette réflexion sur la réduction de la collecte et sur la réévaluation des archives définitives déjà en stock dans nos magasins. Pourquoi cette réflexion maintenant, alors que plus que jamais on manque de place ? Alors que les budgets et les effectifs sont revus à la baisse. Une politique renouvelée d'évaluation et de collecte des archives publiques, ça veut dire quoi quand au jour d'aujourd'hui, pour faire de la place, on réévalue des archives définitives, par nature inaliénables et imprescriptibles. En août 2016, la collection complète des déclarations individuelles d'imprimeurs et d'éditeurs pour le dépôt légal a été définitivement détruite. Si quelques échantillons ont été sauvegardés, les informations de première main sur les tirages qui sont si utiles aux historiens du livre ont été perdues à jamais. Et ce n'est pas fini. Alors que la ministre défend à juste titre la cause des femmes en s'engageant sur l'égalité salariale, que le service interministériel des Archives de France a fait de la grande collecte 2017 celle de l'histoire des femmes, on s'apprête à pilonner les formulaires anonymes individuels d'interruption volontaire de grossesse pour les années 1975 à 1992. Arrivés à la fin de leur durée d'utilité administrative, ces versements, sous prétexte d'avoir déjà été exploités par des analyses statistiques par l'INED, sont proposés à la révision en vue de leur élimination. Presque 400 mètres linéaires seraient ainsi récupérés. Comment ne pas voir l'intérêt historique et démocratique de ces documents ? Les défauts de leur collecte, les lacunes qu'ils comportent sont aussi parlants que les informations qu'ils recèlent. Enfin, l'histoire individuelle anonyme avec un petit H dont chaque formulaire est la trace fait partie de l'histoire avec un grand H. Ces formulaires ont vocation à être conservés pour témoigner de cette avancée démocratique de la deuxième moitié du XXe siècle, de sa surveillance, puisqu'en fait il fallait veiller à ce que les femmes n'utilisent pas abusivement de l'avortement, comme de ses difficultés à se maintenir actuellement partout sur le territoire. Vous êtes à 3 minutes. Je vous laisse très peu de temps. Je termine. C'est pourquoi on ne peut pas se contenter d'une liste des réévaluations déjà faites. Les réévaluations d'archives doivent être suspendues. Elles sont illégales lorsque les archives sont définitives. Elles doivent être interrogées et discutées avec les usagers, tous les usagers, quand les archives sont intermédiaires, car les enjeux ne sont pas seulement archivistiques. Ils sont démocratiques et nous concernent tous. Merci de cette intervention qui nous... Pardon. Donc, Monsieur Pro interviendra ensuite. Il n'est pas. Je ne suis pas censée répondre, mais je veux répondre sur un point. C'est le seul sur lequel je répondrai. Ce n'est pas illégal. La révélation n'est pas illégale. Je vous parle en tant que chef du bureau du contrôle et de la collecte, et je ne peux pas laisser affirmer ça. Je fais du check-fucking. Voilà. Mais on peut en reparler un autre moment, si vous le souhaitez, ou même au cours du débat. Monsieur Pro, s'il vous plaît. Voilà. Oui, dans ce lieu, je voudrais partir de la mission Matteoli pour poser quelques questions et remarques. Premièrement, on n'avait jamais pensé qu'on ferait cette histoire. On ne peut jamais prévoir quelles sont les histoires qui vont s'imposer. Deuxièmement, on a beaucoup parlé des supports numériques et je suis un grand utilisateur, j'ai été un grand utilisateur d'archives, je suis un grand utilisateur de numérisation. J'ai versé les archives de la mission Matteoli en ce qui me concernait sous forme numérique. C'était des disquettes qui ont disparu aujourd'hui, qui étaient intermédiaires entre celles de 5 pouces et celles de 3 pouces. J'aimerais que les archives nationales me garantissent que ces fonds que j'ai versés sont toujours consultables. Il y avait tous les dossiers, l'échantillon de toutes les spoliations économiques. Et je signale à cette occasion que nous n'avons pas pu faire, Claire Andrieux n'a pas pu faire de manière totalement satisfaisante les spoliations bancaires, parce que les archives des banques sont détruites au bout d'un délai très très court. À l'époque, je crois que c'était 10 ans, je crois que maintenant c'est 5 ans. Et donc, il y a tout un volet sur lequel nous n'avons pas pu faire cette histoire, parce que les sources, et là ça ne relevait pas de l'État, ça relevait du secteur privé. Troisième point, je retrouve tout à fait les conclusions de l'autre Antoine qui s'exprimait tout à l'heure sur la nécessité de croiser les archives. Quand j'ai fait l'analyse de la restitution, j'ai regardé évidemment les archives de la restitution, les administrateurs provisoires qui rendent leurs comptes, mais ça ne suffisait pas. Il a fallu voir les archives judiciaires parce que la procédure de restitution passait par le tribunal civil ou par le référé devant le tribunal de commerce. On a vu les archives de l'impôt de solidarité sur la fortune de 1946. On a vu les archives de l'enregistrement. Donc, on est obligé de croiser les sources. Et ça m'amène à ma dernière interrogation ou intervention. C'est un problème d'artillerie. Les artilleurs, ils calculent ce qu'ils veulent faire à partir de l'objectif et non pas à partir du canon. Ils ne se demandent pas si leur canon va être choyé, ils se demandent s'il va chauffer. Mais enfin, leur souci numéro un, ce n'est pas le canon, c'est l'objectif qu'il faut atteindre. J'avoue que je ne comprends pas bien la distinction entre les fonctions et les producteurs. Ça me paraît être du niveau du tube et de la charge de poudre. En revanche, je n'entends pas parler, je n'entends pas d'interrogation à partir du point du point d'aboutissement, c'est-à-dire de l'histoire qu'on veut faire. Et je pense qu'il faut réfléchir aux archives de manière transversale à partir d'abord des histoires qu'on fait actuellement et qu'on veut continuer à faire. Si on veut faire l'histoire de l'enfance, de quoi a-t-on besoin comme source ? Si on veut faire l'histoire des villes, de quoi a-t-on besoin comme source ? Et à l'intérieur des villes, on n'a pas besoin des mêmes sources si on veut faire l'histoire des ponts, si on veut faire l'histoire des établissements de santé. Donc je préférerais que le débat parte non pas à partir des producteurs, mais à partir des types d'histoires qu'on veut faire. Et en sachant qu'un jour, il y aura quelqu'un qui voudra faire l'histoire de l'angoisse, comme Corbin a fait l'histoire du silence, etc., etc. Il faut qu'on fasse aussi un effort d'imagination pour penser les types d'histoires qui, dans 50 ans, seront peut-être, mais peut-être pas, à l'ordre du jour. Je crois d'ailleurs, Antoine, que c'était aussi pour cela qu'était abordée la question de la fonction. J'espère ne pas trahir les propos de Mireille Jean. C'était justement avoir une vue d'ensemble sur les problématiques historiques pour pouvoir articuler autour des fonctions administratives les sources existantes indépendamment de leur niveau de production. C'est peut-être sur ce point que Françoise Banat a demandé la parole. Je vais donc la lui donner avant de donner ensuite la parole aux deux intervenantes qui sont sur les rangs derrière. Donc on va essayer de servir tout le monde et de ne pas oublier les côtés. Ce sera très bref. C'est effectivement pour dire que de prendre les choses par le bout des fonctions permet précisément de retrouver les types d'archives et les types d'histoires qu'on peut faire de l'autre côté, bien plus que par les productions, puisque justement on se situe un peu au-dessus. Je voulais juste répondre très factuellement, si vous nous avez confié, Antoine Pro, des archives numériques sur les spoliations, elles ne sont, je vous garantis, qu'elles sont conservées et qu'elles ont été migrées sur les supports qui conviennent. Je vais regarder ça pour vous répondre là-dessus, mais pas d'inquiétude. Pour le moment, nous n'avons perdu aucune archive numérique qui nous a été confiée. Sur la question très rapide, je ne voudrais surtout pas laisser penser qu'on ne veut pas conserver une source ô combien importante pour l'histoire des femmes et donc l'histoire tout court. J'ai justement dit pendant ma petite intervention tout à l'heure que si la question de la réévaluation des fiches papier anonymes d'IVG se posait, c'est parce que par ailleurs, nous avons collecté depuis des bases de données totalement complètes, bien plus complètes sur le temps et sur le contenu que ces fiches papier. C'est uniquement de ça, et c'est nous faire injure, et faire injure au département qui s'occupe de ça, aux Archives nationales, que de ne pas penser qu'on sache que c'est évidemment une source très importante pour l'histoire en général. Voilà. Alors, nous avons bien entendu la réponse. Je propose de donner la parole à madame qui est au troisième rang, qui lève la main depuis un bon moment, juste là, et puis ensuite, nous aurons un peu plus haut, puis ensuite un peu plus bas. Voilà. Et après, on passera sur les allées latérales. Merci. Cécilia Rapine. Alors, je vais intervenir avec une double casquette. D'une part, au titre de la CFDT Culture, de manière générale, puisque nous sommes déjà intervenus dans le débat via Internet, mais également en tant qu'utilisatrice des archives, puisque je ne suis pas archiviste, mais archéologue médiéviste, et donc concernée en tant qu'utilisatrice. Tout d'abord, au nom de la CFDT Culture, on tient à remercier le CIAF d'avoir organisé cette matinée débat, puisque ce qui nous embêtait dans cette affaire qui a émergé avec la diffusion du document Action publique 2022, c'est qu'il n'y avait pas d'espace de dialogue sur cette question qui pointait dans ce document, qui étaient les archives essentielles. Le débat reste compliqué à mener au ministère de la Culture, et je m'adresse ici aux représentants du ministère, même si M. Lemoine s'en va, puisqu'on a beaucoup de mal à discuter sur cette question, sur l'ensemble du réseau, puisqu'on l'a rappelé, le comité technique des archives, où nous siégeons, ne concerne pas les archives départementales. Et en l'occurrence, les archives départementales sont largement concernées par tout ce qui a été débattu et présenté ce matin par les intervenants des deux tables rondes. Donc pour nous, cette première journée est effectivement un point de départ, mais ça ne peut pas être un point d'arrivée. Ensuite, en tant que simple utilisatrice des archives, j'ai une question sur, non pas la révolution numérique ou la transition numérique, mais bien le transfert numérique, et Mme Banat Berger vient de l'évoquer. Par exemple, au tout début de ma carrière d'archéologue, j'ai eu la chance de voir évoluer les archives, entre autres des cadastres napoléoniens, via le numérique. Ça a été une des premières parties qui a été numérisée. Aujourd'hui, des archives qui ont été numérisées dans les années 90 sont assez peu lisibles au regard de la qualité de ce qui est produit aujourd'hui. Et on se demande s'il y a de nouvelles campagnes qui pourraient être faites, parce qu'en définitive, quand on a l'habitude... En espérant qu'on n'ait pas jeté les originaux, me souffle ma voisine, et heureusement qu'on ne l'a pas fait. Mais qu'en est-il justement, non pas simplement du transfert de support, qui est une évidence, en tout cas qui devrait l'être, mais aussi de l'évolution de la technique qui permet de mieux numériser au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Et ça avance très vite. C'est pour ça qu'on parle de révolution. Donc il y a ça aussi qu'il faut penser quand on parle numérisation. Il y a d'une part le lien à l'original, évidemment, mais aussi la qualité de ce qui serait éventuellement numérisé, sachant qu'il y a des supports qui sont de toute façon, comme l'a dit Monsieur Pro à l'instant, plus utilisables. Et je pense que c'était des ZIP. C'est aussi pour ça d'ailleurs que le rapport envisageait bien la collecte des archives à l'époque numérique. Alors il y avait Madame deux rangs derrière, et ensuite on redescendra. Madame qui est au centre, juste en face de moi, Madame Cléier-Michaud, qui a présidé le comité d'évaluation au Conseil international des archives. Donc, Rosine Cléier-Michaud, je suis retraitée, mais j'ai eu une longue carrière dans les archives, et en particulier, effectivement, comme vient de le dire Bruno Galland, j'ai présidé pendant 8 ans le comité sur l'évaluation et la sélection des archives du Conseil international des archives. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce comité, dans ses travaux, a à peu près évoqué tout ce qui a été dit au cours de cette table ronde, y compris, je tiens à le dire, sur ce qui concerne la transparence. Parce qu'effectivement, je crois que en France, nous sommes encore loin dans ce domaine-là de faire tout ce qui devrait être fait pour faire connaître sur quelle base nous évaluons et nous collectons. Mais enfin, c'est pour cela pour dire que la réflexion sur l'évaluation, la sélection et la collecte des archives est absolument internationale. Elle n'est pas du tout franco-française. Alors pour en revenir à la France, je souhaiterais insister, parce que je pense qu'on n'en a pas assez parlé tout à l'heure, sur le rôle du service interministériel des archives de France pour tenter de résoudre un des problèmes posés pour une évaluation raisonnée et scientifique, à savoir la complexité de notre administration et ce que j'appellerais les fonctions croisées, qui sont dans notre pays particulièrement remarquables. À mon avis, sans le CIAF, on ne pourra pas rompre le cloisonnement entre l'échelon central et l'échelon local, dont plusieurs ont parlé au cours de cette matinée. Enfin, concernant nos usagers, j'ai toujours pensé qu'il fallait les associer à nos réflexions sur l'évaluation et la sélection, mais à mon expérience, je tiens à dire que peu de chercheurs sont prêts à participer à nos travaux, probablement parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Je pense que ce n'est pas autre chose. Et je ne peux qu'espérer que la polémique actuelle les mobilise. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous allons donner la parole à Jean-Pierre Le Goix, qui se trouve au deuxième rang ici. Pendant que le micro descend, je soulignerai bien sûr que nous sommes tous convaincu de l'importance et du rôle du service interministériel des archives de France, vers lequel nos regards sont aussi scrutés. Rappeler que c'est aussi grâce à nos collègues canadiens et québécois que notre réflexion n'est pas seulement franco-française, et souligner par rapport à la question qui était posée sur les archives départementales, que si effectivement, vous le savez bien, elles ne sont pas représentées au sein du comité technique, en revanche, grâce d'une part à tous les groupes de travail suscités par le service interministériel des archives de France, grâce également au rôle du Conseil supérieur des archives, l'archiviste départemental que je suis a quand même le sentiment qu'il arrive à faire remonter beaucoup de choses, mais c'est vrai que ça n'est pas dans le cadre du comité technique. Monsieur Le Goix. Alors oui, Jean-Philippe Le Goix, je préside la Cité des mémoires étudiantes et je fais partie aussi du RN2A, le Réseau national d'action des archivistes. Et je voulais intervenir sur deux petits points rapides. Au cours de la matinée, ça s'est arrangé, mais c'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu peur. J'ai eu un peu peur qu'on n'ose pas parler d'argent comme si c'était sale. Je crois que si on reprend la parabole ou l'image d'Antoine Pro sur l'artilleur, il faut qu'on puisse effectivement savoir quel est l'objectif, quels sont les critères de tri, mais aussi savoir quels sont les moyens pour mettre en place cette politique. Et moi, je voulais juste intervenir avec mon point de vue d'une structure associative qui essaye de sauvegarder et de valoriser des archives privées, mais en tant qu'ancien responsable d'archives municipales, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'effectivement, il faut vraiment penser tout cela tout ensemble, les critères, les moyens, et penser ça tout ensemble, les archives nationales, toutes les archives territoriales, pas que les archives départementales, parce que les archives départementales ont une double casquette, et souvent ça tourne vers l'État et on oublie l'aspect territorial. Aussi penser les centres, l'articulation aux centres d'archives privées, sans évidemment oublier qu'il faut évidemment associer tous les types d'usagers, les généalogistes, les chercheurs en histoire, mais pas que les chercheurs en histoire, etc. etc. Pour vous prendre un exemple très précis, qui donc pour moi interpelle le ministère sur quelle est la politique de collecte en matière d'archives privées, et pour vous montrer que ça a un lien avec des questions budgétaires, je pense qu'on est tous, en fait, ici, des missionnaires des archives. Même si on n'est pas archiviste, même si on n'est pas archiviste public, on essaye tous de défendre la cause des archives auprès des différentes instances. Et la question, c'est que si on ne sait pas avec quelles armes on va au front, on sera sûrement à un moment dans un problème. Et pour vous prendre l'exemple donc des archives étudiantes, je ne rentre pas dans le détail des sigles et tout ça qui intéresse un micro-public, mais on a réussi à convaincre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à nous donner des moyens pour classer les archives d'une des organisations nationales étudiantes dites représentatives, l'UNEFID pour ceux que le sigle, auquel le sigle dira quelque chose. On a réussi à classer ce fonds et on pensait qu'en fonction de la convention avec les archives nationales, on pourrait les déposer aux archives nationales. Et malheureusement, l'année 2017, ça a concordé aussi avec les problèmes de Pierre Fitte. Et du coup, vous n'êtes pas sans savoir que des missions des ministères, mais donc aussi des structures privées, ne peuvent plus déposer ces archives aux archives nationales. Donc tout ça pour dire, il faut lier critères de tri et moyens, et je le répète, ce n'est pas sale de parler budget, et je vous appelle tous à signer l'appel de Montreuil que vous découvrirez tout à l'heure. Merci. Merci. Donc derrière, on va donner la parole à Madame Gastaldi. Mais je voulais juste, avant de laisser la parole, remercier Jean-Philippe Legouet d'avoir introduit, après la notion d'objectif, que je trouve très intéressante, et que je remercie M. Prost d'avoir introduit, mais celle de les archives privées, la problématique des archives privées et leur place dans la collecte. Nadine. Voilà, alors Nadine Gastaldi, conservateur aux archives nationales, chargée de mission, cartes et plans. Voilà. Donc là, je rejoins moi aussi tout ce qu'a dit Antoine Pro. Et je vais ajouter quelques petites remarques qui me sont venues au moment des communications des uns et des autres. D'abord, la ministre a beaucoup parlé de l'accès à la mémoire, pas seulement, mais... Alors, la mémoire, c'est bien, mais cette mémoire doit être le reflet d'une certaine vérité. Et c'est ça aussi que la bonne collecte doit amener, c'est-à-dire pas seulement une mémoire, mais une forme d'accès à une vérité historique. En tant qu'archiviste, c'est quelque chose auquel, je pense, on tient, et en tant qu'historien aussi. On a aussi abordé dans la première table ronde la question de la redondance entre les fonds nationaux et les fonds territoriaux. Alors là, je pense qu'il faut aussi faire très attention, parce que d'abord, ce ne sont pas les mêmes dossiers, et puis comme vous le savez, il y a un souci de proximité très fort de certaines populations. Donc supprimer des dossiers qui sont à proximité au prétexte que certains sont conservés à Paris, c'est peut-être une question qu'il faut se poser. Alors après, on sait, c'est quel est le meilleur dossier. Peut-être que celui qui est à Paris n'est pas meilleur que celui qui est en département ou en archives communales ou ailleurs. Voilà. Mais cette question de la proximité me paraît intéressante. Et à l'inverse, pour les fonds nationaux, si on dit « Ah oui, mais il y a les mêmes en département », dans le fond, on note aussi aux chercheurs une capacité d'avoir une vue complète sur la France sans aller faire une visite à chacun des départements ou de chacune des communes qui pourraient l'intéresser. Donc il y a ce jeu très particulier d'usage des dossiers à leurs différents niveaux de conservation. Une troisième remarque que je voulais faire, c'est sur les documents jamais consultés. On sait très bien qu'un document qui n'a pas d'inventaire ne sera pas beaucoup consulté. Hein, donc voilà, on peut en jeter pas mal si on se réfère à ce critère. Sachant que quand on fait des inventaires, parfois, tout à coup, les documents deviennent consultés. Et puis, c'est aussi une question de temps et de dialogue qu'on peut avoir avec les historiens pour attirer leur attention sur certains fonds, sur les usages qu'on pourrait en faire, sur la valorisation qu'on pourrait en faire. Alors, une avant-dernière remarque, c'est celle sur la question de la fonction. Moi, j'avais l'impression d'entendre un peu un retour au cadre de classement du 19e siècle, qui s'est fait autour des grandes, enfin, du cadre de classement des archives nationales, en tout cas, et surtout de la série F, la belle série F, voilà, qui provient des ministères, parce qu'en fait, elle s'est articulée comme ça. Alors, c'est très bien, et c'est très pratique, je dois dire qu'en ancien responsable de la sous-série F21 qui faisait l'histoire des beaux-arts, on va dire de 1789 à nos jours, c'était très pratique. Cela dit, ça masque la responsabilité, l'activité des administrations qui ont produit les fonds. Donc le producteur n'est quand même pas une notion à jeter parce qu'elle permet de savoir qui a fait quoi. Et en termes de démocratie, c'est aussi très important. Il y a des parties dans les fonds anciens, même dans les fonds du 19e siècle, où tout a été ramassé autour d'une activité. Et dans le fond, on a beaucoup de mal à savoir qui a fait quoi. Et ça, pour l'historien, ça peut être problématique. Et ma dernière remarque sera celle de la numérisation et des conséquences qu'elle peut avoir, notamment sur nos salles de lecture. Je dois dire qu'effectivement, il est un peu triste de voir que des généalogistes, maintenant, ne se déplacent plus dans les salles. Parce que dans le fond, le contact entre chercheurs dans la salle de lecture, mais aussi entre chercheurs et archivistes autour des documents originaux. Alors après, je ne sais pas sur le numérique comment on fera, je pense qu'on peut aussi partager autour du numérique. C'est quelque chose d'assez essentiel. Et si chacun reste chez soi derrière son écran, ça devient un peu triste. Voilà. Merci beaucoup Nadine. Juste une petite précision quand même. C'est pas parce qu'on a mis en avant à cette table ronde les fonctions que pour autant on oubliait les deux autres piliers de l'archivistique. On a trois normes, on a trois piliers, les documents, les producteurs et les fonctions. C'est juste une façon de les articuler dans nos approches. Donc nous avons deux questions ici, puis une question à la tribune, puis une question sur la gauche. Bonjour, Anne Pétinx, je suis archiviste universitaire et justement je vais revenir sur les producteurs. On est plusieurs dans la salle à avoir ce type de ce rôle et je vous avoue que c'est depuis le début de la matinée, on a eu l'impression d'être un peu oubliés. Si vous n'avez pas de producteur qui adhère à votre projet, vous n'avez pas d'archives. Et je pense que ça, il ne faut pas l'oublier. Moi, j'ai beaucoup de difficultés, curieusement, à faire la collecte. J'ai des documents du 19e siècle encore chez moi, que je ne peux pas verser. J'ai des documents, j'ai eu dans ma carrière entre les mains les copies d'examen de Raymond Barre, par exemple, qui, je dois être la seule aujourd'hui à savoir où elles sont. Et je trouve qu'il voilà, il ne faut pas oublier les producteurs dans ce débat, et je pense qu'il faudrait qu'ils soient plus présents. Donc, je vous rassure, enfin, même si c'est, je vous remercie d'avoir précisé, quand on a organisé les tables rondes, je parle sous contrôle des organisateurs d'ailleurs, les producteurs n'étaient pas du tout oubliés. C'est vrai qu'on a axé autour des archivistes et des usagers. J'avais failli dire en ouvrant la table ronde des usagers qui manquait une catégorie d'usagers qui étaient les producteurs. Donc sachez bien, et je pense que les interventions l'ont montré, que c'est extrêmement important et pour les archivistes, et pour les lecteurs. Mais du coup, vous redemandez la parole. Alors, vous lui redonnez le micro, mais après, je le donne à Madame Ranquet, qui est en haut. Non, très vite. Nous, on est au front tous les jours, et face aux producteurs, à nos gouvernances, à nos présidents d'université ou d'autres structures, on a besoin d'avoir des arguments. Et si on ne respecte pas l'idée qu'ils veulent conserver leur histoire, si on ne les intéresse pas au sujet, encore une fois, nous, on n'obtient pas les moyens de travailler en interne, et donc on ne récolte pas d'archives. Voilà. Alors, en haut, puis à la tribune, puis de ce côté-ci. Oui, bonjour, Marie Ranquet, je suis conservateur aux Archives nationales. Moi, je voulais revenir justement sur cette question des producteurs. Donc, ça tombe très bien, je prends la parole juste après madame. Tout à l'heure, en tout début de séance, on a parlé de la diversité, la complexification croissante du paysage administratif. Ben, oui, ça, c'est, je pense que tout le monde ici est d'accord pour dire que la vie administrative est compliquée, mais la vie est compliquée, effectivement, ça c'est certain. Mais notre rôle, enfin, bon, je pense que madame la ministre est partie, donc on peut dire que la simplification administrative, c'est effectivement un cauchemar de l'archiviste, hein, ça c'est, soyons clairs. Mais notre rôle en tant qu'archiviste, c'est pas de faire de la simplification a posteriori et de se dire, ah ben tiens, c'est trop compliqué ce secteur. Donc je vais me concentrer sur un tel, enfin je caricature, excusez-moi, mais c'est pour bien illustrer mon commentaire. Donc je vais me concentrer sur tel ou tel producteur au détriment des autres parce que finalement c'est trop compliqué. Je pense que c'est celui-là qui a plus d'importance. Ça, je pense que c'est extrêmement dangereux parce que quel est notre métier finalement à part documenter et les évolutions des producteurs et les évolutions des rapports de la puissance publique avec les concitoyens. Et oui, ces rapports-là évoluent, ils sont complexes. Je ne veux pas parler de l'exemple de l'environnement parce que je le connais mal, je vais me ridiculiser, mais si on peut évoquer l'exemple des archives des directs, sur lesquelles j'ai sué des larmes de sang et je n'ai pas été la seule dans cette salle. Ça continue. Ça continue. Oui, je sais que ça continue, c'est pour ça que je me permets de l'évoquer. La politique du travail de l'État envers les concitoyens, c'est quelque chose de ultra complexe. Et il y a des couches et des couches et des couches, et on revient en arrière, et puis on change, sans pour autant détruire ce qui a été fait. Donc, ça devient un paysage extrêmement complexe. Et pour autant, c'est ça qui est passionnant quand on regarde toutes ces archives-là, c'est de voir l'évolution de cette politique, qui n'est pas forcément d'ailleurs toujours une politique vraiment consciente, dans toutes ses ramifications. Mais c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire transparaître ça aussi dans notre collecte. Parce que sinon, simplement, on crée le risque d'avoir peut-être pas des trous noirs, mais au moins une histoire telle que nous, on la concevrait en tant qu'archiviste a posteriori, mais qui n'est pas la réalité dans laquelle les choses se sont passées. Donc ça, c'était mon commentaire. Et puis moi, j'ai aussi une question, qui est vraiment une question stupide, mais vous me connaissez, donc vous avez l'habitude, malheureusement. Mais c'est une question que beaucoup, je pense, se posent aussi, ce qui me dédouane d'ailleurs. C'est finalement, j'ai toujours pas compris. Quand on parle d'archives essentielles, donc je comprends bien le concept canadien, mais si on le transpose en France, mais est-ce qu'on parle des archives définitives? Parce que si on parle juste des archives définitives, est-ce que c'est pas, excusez-moi, mais on fait un peu du Monsieur Jourdain dans ces cas-là, si on dit qu'on doit se concentrer sur la conservation des archives définitives dans les services publics d'archives, oui. Si je peux avoir une réponse là-dessus, s'il vous plaît. En fait, je crois que le mot archive essentielle a été très très très peu prononcé, si ce n'est de la salle plutôt. Parce qu'en fait, on a beaucoup, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on a beaucoup. Là, on est vraiment revenu sur l'évaluation, peu importe ce vocabulaire, ce mot qui, comme disait non pas un Canadien cette fois-ci, un Canadien des Archives fédérales, qui disait c'est un mot qui a été employé dans un contexte communicationnel en fait, qui a peut-être été maladroitement employé. Archive essentielle n'est pas canadien, n'est pas spécialement canadien, ça vient du record management, point. On a fait le tour de ce problème de vocabulaire. Ce qu'on essaye de trouver aujourd'hui, c'est comment répondre aux problèmes qui remontent du réseau en matière d'évaluation et de collecte. Ça aboutirait peut-être, et en tout cas je fais partie des gens qui l'espèrent, à au moins réussir, non pas à réduire la collecte à des archives essentielles, comme ça a pu être maladroitement dit à un moment donné, mais en tout cas au moins à prioriser nos actions, par exemple. Mais je n'en sais rien parce que, en fait, ça c'est mon point de vue, comme ce que vous venez de dire les uns et les autres, ce sont des points de vue. Et ce qu'on va essayer de trouver tous en commun, c'est un rapprochement de nos points de vue et essayer de travailler tous ensemble pour améliorer, parce que ce qu'on voit quand même, ce que moi j'entends quand même, c'est qu'il y a beaucoup d'archivistes qui pensent que sur le terrain, ils n'ont pas les outils intellectuels. Je ne parle pas, bien sûr, c'est bien de parler des moyens, etc., mais on est sur une démarche scientifique. Comment apprécier, réussir aujourd'hui? Faut-il se fixer des objectifs, par exemple, plus clairement? Faut-il se focaliser sur l'objectif et non pas sur le canon? Voilà, il y a plein de questions comme ça. Donc, je ne te réponds pas, Marie, mais je prends note des points d'attention que tu nous soumets. Je ne sais plus à qui on doit passer la parole maintenant. Nous allons passer la parole en haut et ensuite à madame qui est ici. Oui, bonjour, Vladimir Suzange, secrétaire général de la CGT Archives. Un petit mot pour commencer, pour rebondir sur les propos de monsieur Legoix. Effectivement, la question est une question de moyens. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien si cette matinée se réunit et si ce colloque se réunit. C'est bien suite à la fuite et aux fuites dans la presse à la mi-novembre de ce qu'a été la contribution ministérielle au projet du comité d'action publique 2022 dans lesquels nous avons pu lire tout go, le ministère de la Culture et la ministre de la Culture considéraient que, 1, la politique des archives était trop coûteuse et que, 2, elle visait à l'exhaustivité. Ceci est, comment dire, le sillon principal qui forge nos échanges et en réalité qui ne sont jamais abordés. S'il s'agit, comme nos amis historiens ont pu le dire, de dire qu'il s'agit de réduire des stocks de papier, eh bien nous ne sommes pas d'accord. S'il s'agit de dire que la faillite auquel sont confrontées les archives nationales aujourd'hui, et je pèse mes mots, c'est-à-dire la démolition, liquidation du centre des archives de Fontainebleau, c'est-à-dire la saturation totale du site de Pierrefitte-sur-Seine, dont je rappelle qu'inauguré en 2013, il devait être exploité jusqu'en 2043 et dont nous savons qu'en 2020, il va être complètement saturé. Je veux dire également la situation du site des Archives nationales de Paris, dont on sait qu'il y a un projet d'amputation de la moitié des espaces, des locaux et des bureaux qui sont aujourd'hui prévus. Je veux dire également la faillite de l'ensemble du réseau des services publics d'archives. Il suffit d'ailleurs de regarder ce qu'a écrit le ministère de la Culture dans sa contribution en soulignant que les besoins d'investissement, notamment en équipement et en bâtiment pour les services publics d'archives liés aux collectivités territoriales, se montent à 700 millions d'euros. 700 millions d'euros. C'est dire le hiatus, le gap, le tremblement de terre auquel l'institution pour laquelle nous travaillons est confrontée. C'est dire également, Madame Wieworka l'a rappelé dans son propos introductif, il y a un peu moins d'environ 17 ans, se tenait ici un colloque, les archives, dont on a pu voir un certain, et à l'époque et heureusement, un consensus politique très large pour dire il y a eu le printemps des musées, il y a eu le printemps des bibliothèques, il y a eu le printemps des monuments historiques. Enfin, donnons et offrons des moyens conséquents et nouveaux supplémentaires à ces institutions, cette institution, les Archives nationales, pour pouvoir fonctionner. Chers amis, chers collègues, chers camarades, permettez-moi, 4 ans après l'ouverture du site de Pierrefitte-sur-Seine, Il est prévu que pour combler ou supplanter ce que va être la perte de Fontainebleau, doivent être dépensées la somme de 200 millions d'euros nouveaux, c'est-à-dire le prix qu'a coûté la construction du nouveau site de Pierrefitte-sur-Seine pour faire face à la situation et à la catastrophe qui nous menace. Alors, si ce ne sont pas des questions de budget, si ce sont des questions scientifiques et purement scientifiques, comme l'a rappelé M. Bruno Galland quand il a commencé sa médiation. 3 minutes après le début de votre intervention, il y a une personne qui attend la parole. Ne vous énervez pas, je vous avais l'habitude de vous voir énervé, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu, mais ça continue. Donc ne vous énervez pas, M. Galland, tout va bien se passer. S'il s'agit aujourd'hui de délier la question scientifique de la question des moyens, c'est simplement une escroquerie intellectuelle totale. Madame, vous avez demandé la parole. Donc, Marie-Cécile Bouju, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université Paris 8, également adhérente à la CFDT. Je me félicite, comme tout le monde, évidemment, de l'appel au dialogue, même si j'avais eu le sentiment jusqu'à présent qu'on avait quand même artificiellement opposé le débat entre archivistes et historiens, alors qu'il n'y avait absolument pas cette opposition. Je me félicite également qu'on vient de nous annoncer que désormais, le débat ne serait plus dominé par une vision purement budgétaire et comptable, et qu'on revenait à des questions scientifiques et techniques, donc professionnelles. Donc là aussi, il y a des raisons de se féliciter, il n'y a plus qu'à espérer que ça dure. Comme l'a effectivement déclaré Gilles Morin et Annette Wieworka, donc le tri et l'élimination ne posent aucun problème aux historiens. Alors ceci dit, je vous invite évidemment à continuer à faire, comme vous le faites d'ailleurs déjà maintenant, de la pédagogie en direction du public pour réexpliquer effectivement qu'on est obligé, afin d'assurer la pérennité de ces fonds, de faire un travail de tri d'élimination. Donc la répétition fait aussi partie de la pédagogie. Mais là aussi, hein, je connais l'importance des normes et de la qualité des méthodes qui sont utilisées hein, jusqu'à ce jour pour faire ce travail de tri et, d'élimination. En revanche, ce que je ne comprends pas, c'est quand on nous annonce, donc Madame la Ministre n'est plus là pour me répondre, mais lorsqu'on nous annonce que l'on va, c'est une bonne nouvelle, nous créer une commission en direction des historiens qui vont statuer sur ces critères. Moi, j'entends ça comme une commission cadeau pour faire plaisir aux historiens. Alors, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, effectivement, je peux vous annoncer que cette commission probablement ne fonctionnera jamais correctement, puisque les historiens sont tous les chercheurs de l'université ou même des instituts scientifiques sont extrêmement pris, comme vous-même, par plein de tâches non scientifiques, et cette commission ne fonctionnera pas. Il est beaucoup plus simple et beaucoup plus pérenne que vous-même, vous fassiez votre carnet d'adresses en fonction des travaux que vous avez à faire. Vous êtes des professionnels de l'information, vous êtes parfaitement capables de vous adresser à des interlocuteurs scientifiques ou même des chercheurs amateurs pour savoir si les fonds que vous avez entre vos mains sont à conserver partiellement, totalement ou non. Cette idée de commission, je trouve que c'est pratiquement de l'insulte. On n'a pas besoin de Hochet pour travailler avec les archivistes. Hein. Il suffit effectivement que nous continuions à parler de manière professionnelle et normale. Voilà. Il est 11h48. Une dernière question, et je pense que nous allons ensuite passer à la conclusion qui sera faite par monsieur Jean-Louis Debré, président du Conseil supérieur des archives. Alors, la dernière question, ça sera monsieur Dinard. Simon Pierre Dinard, directeur des archives départementales de la Loire. Donc, je parle d'un département où on dispose encore d'une université. Hein, mais je tenais à dire qu'en effet, j'étais d'accord avec ce que disait la CGT sur la nécessité de prendre en compte tous les usagers. Hein, donc, les généalogistes, les historiens, mais aussi les citoyens. Parce que c'est vrai que nos salles de lecture sont désertées. Ben, ça revient, ça fluctue. Les généalogistes explorent d'autres sources. Mais en département, les historiens, on n'en a plus beaucoup. Et donc, moi je disais, oui, effectivement, on a besoin aussi... J'ai pas vraiment de problème avec la notion d'archive essentielle. Parce que c'est vrai que pour justifier et pour demander des crédits pour les archives, eh bien, moi je suis plus axé sur ces archives essentielles. C'est-à-dire que le service, en département, on garantit l'identité des Ligériens. On n'a pas de semaine sans qu'on nous demande des jugements de divorce. Dans le service, donc, on garantit aussi la propriété. Hein, donc là, on a vu les généalogistes professionnels qui sont très intéressés, et très intéressants pour nos fonds. Donc voilà, là, effectivement, il y a des archives essentielles. Alors... Justement, pour les historiens, c'est vrai que le débat a évidemment une portée nationale, donc il est tout naturel qu'il soit placé à Paris, mais en département, les historiens à Paris ont des sujets essentiels. En département, les historiens, est-ce que leurs sujets sont essentiels ? On peut se poser aussi la question. Merci. Donc, nous allons... donner la parole pour conclure, peut-être sur la tribune.